courons devant toi. C'est toi qui mérites. C'est toi qui es Dieu, notre Dieu. Reçois la gloire, la puissance, la sagesse au siècle des siècles. Merci Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Nous t'invitons dans ce séminaire. Nous avons besoin de toi. Laisse-toi trouver à nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Tunaketi mbele za Bwana. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la pluie. Tunambariki Bwana kwa ajili ya mvua. Ça fait partie des merveilles que Dieu a créées, il a mis en marche. Et il les contrôle. Anakuwa juu yake. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Alléluia. Amen. Tu peux saluer à distance ton voisin, tu lui dis, soyez le bienvenu dans le séminaire. Unaweza kusalimu kwa mbali, jirani yako, mwambie karibu ndani. Dis-lui aussi merci pour ton zèle. Mwambie tena asante kwa ajili ya bidii yako. De la maison, tu es venu sous la pluie. Bidii ya nyumba umekuja chini ya mvua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ikatoshe. Distanciation. Alléluia. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Bidii ya nyumba yako inanichoma. Et Dieu, étant un Dieu de zèle, Mungu akiwa Mungu wa bidii, nous a dit, ametuambia, servez l'Éternel dans le moment favorable ou non. Mumtumikie Mungu kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa. Autrement dit, kwa maneno mengine, nous n'avons pas raison hatuna sababu de ne pas avancer ya kutosonga mbele avec Dieu. Pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Et nous étions en train d'aborder le chapitre 3. Na tulikuwa tukizungumzia kipengele cha ta maison et ma maison. Nyumba yako ni nyumba yangu. Et ce soir, na jioni ya leo, nous voulons poursuivre sur les composantes du sens de ta maison. Ou alors les diverses facettes du sens de ta maison. Nous avons déjà compris ensemble ce que c'est que le zèle, qui est cette ardeur d'esprit qui nous fait agir comme on ne le ferait pas en temps ordinaire. Et la maison, après tout ce que nous avons partagé, nous pouvons la résumer comme ceci, comme définition ou compréhension de cela, la maison de Dieu. C'est l'ensemble du sanctuaire avec les dieux du sanctuaire et le peuple du Dieu du sanctuaire, plus les perspectives, les intentions, la vision, les principes, la cause du Dieu du sanctuaire. Ni ujumla wa yote inayounda hekalu, ni kusema Mungu wa hekalu, watu wa Mungu wa hekalu na hekalu lenyewe. Na mitazamo ya Mungu wa hekalu. Alléluia. Amen. Et quand nous comprenons cela, na tunapoelewa hiyo, c'est très capital. Inakuwa ya muhimu sana. Parce que si je dois avoir du zèle, sababu kama napaswa kuwa na bidii, on peut arranger ce son ici. Il crie un peu trop dans les oreilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'entendez mieux? Unanisikiliza vizuri. Ok. Lorsque nous parlons zèle, tunaposungumzia bidii, de ta maison, ya nyumba yako, nous avons vu depuis le départ, tumeona tangu mwanzo, que les choses qui peuvent nous aider à avoir ce zèle-là, ya kwamba vitu vinavyoweza, c'est la connaissance de qui est ce Dieu, ni kumjua Mungu huyo ni nani, de la maison, Mungu wa nyumba. C'est la connaissance des diverses manières d'opérer de ce Dieu-là. Ni kujua namna tofauti ya kutumika ya Mungu huyo. Mais c'est aussi, lakini pia, la connaissance de ce Dieu dans ce qu'il veut faire avec l'humanité. Lakini pia ni kumjua huyo Mungu kufuatana ila ambao anatamani kufanya pamoja na ulimwengu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lisons deux textes. Tusome andiko mbili. 1 Pierre chapitre 2 verset 4-5. Petro wa kwanza 2 mstari wa 4 na 5. Et puis 9-10. Na kisha 9 na 10. Il est écrit. Imeandikwa. Approchez-vous de lui. Mumkaribie. Pierre vivante au singulier. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, au pluriel, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, la pierre principale. Ici, Dieu vient à nous pour nous expliquer ce qu'il attend par maison et il illustre. Il illustre l'être humain comme pierre et Jésus-Christ comme la pierre principale pour construire la maison. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce ou une sainte sacrificature. Afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu. Maintenant, venez. La pierre vivante, pierre de l'angle, ou pierre nguzo, ou pierre soutien de la maison. Et puis nous autres, des pierres vivantes pour construire une maison vivante, une maison spirituelle. Regarde la pierre qui est à côté de toi et médite sur lui. Il est une pierre. Je suis une pierre. Bâtir fort. Il n'est pas du sable. Jésus dit, celui qui veut bâtir doit étudier le sol. Si tu bâtis sur le sable, la maison va s'écrouler. Mais si tu bâtis sur le roc, la maison sera solide. Mais si tu bâtis sur le roc, avec du sable, le vent va pulvériser ce sable-là. D'où il faut que les matériaux de construction soient bien préparés et fabriqués. Jésus dit, je bâtirai mon église. Matthieu 16-18. De telle manière que ni la mort, ni le séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi Parce que ce sont des pierres vivantes qui composent l'église. On est là. Cette maison de Dieu est solide à la manière ou selon la qualité des matériaux qui la composent. Et le verset 9 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'idée de Dieu, les matériaux qui construisent l'église ou la maison, ce sont des matériaux spéciaux. Dites à ton voisin, tu es spécial, frère. Dis-lui jusqu'à ce qu'il soit convaincu. C'est pourquoi nous disons, la maison est comprise comme non seulement les sanctuaires, mais aussi les dieux du sanctuaire, les hommes des dieux du sanctuaire et les intentions du Dieu du sanctuaire, sa vision, ses perspectives, ses causes, ses volontés pour l'homme et pour l'humanité et pour toute la création. L'ensemble constitue la maison. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1, il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Le texte commence par: nous donc aussi, comme une liaison avec ce qui vient d'être dit. Ce qui vient d'être dit, c'est le chapitre 11, les héros de la foi. Des hommes et des femmes qui ont été zélés pour la maison de Dieu. Ainsi donc, environné d'un si grand nombre de témoins, quels témoins? Ceux qui viennent d'être cités au chapitre 11, ceux qui ont couru avec Dieu, ceux qui ont démontré leur ardeur pour Dieu jusqu'à braver la mort, jusqu'à refuser des choses pourvu que la maison de Dieu soit garantie, la maison de Dieu atteigne ses objectifs, les buts de Dieu pour la maison s'accomplissent. Ils se sont sacrifiés. Le zèle de Dieu, le zèle de la maison, les a tellement dévorés qu'ils ont laissé des traces sur la terre. Et nous en parlons jusqu'à présent. Que tu sois la prochaine personne à qui on va parler aussi dans les années qui suivent. Vous savez, si ça n'a jamais eu lieu dans votre famille, ça peut commencer par vous. Il n'y a personne dans votre famille qui a connu Dieu, qui a marché avec Dieu. Commence-toi. Toi, vas-y. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Mais encouragé par quoi? Ayant les regards sur Jésus. Vous voyez? Non. Jésus quoi? Jésus quoi? Jésus nini? Les regards sur Jésus. Tukimtazama Yesu. L'homme de Galilée. Mtu wa Galilaya. Non, ça ne suffit pas. Hapana, hiyo haitoshi. C'est là que vient ce que nous avons appris. Ni hapo ndipo connaître le Dieu de la maison. Hapo ndipo kuna kuja ila ambao tulisema kumchua Mungu wa nyumba. Qui a été lui-même zélé. Ambao yeye mwenyewe alikuwa na bidii. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo yeye mwenyewe. Zélé. Alikuwa na bidii. Il fallait du zèle pour monter à Golgotha. Iliomba kuwa na bidii ili apande Golgotha. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kumshangilia Bwana. Alors donc, kusema, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, comme composante du sens de la maison, kama vile moja wapo ya vinavyounda maana ya nyumba, le premier sens, maana ya kwanza, c'est ni que la maison de Dieu, c'est un sanctuaire. Nyumba ya Mungu ni hekalu. Et le dimanche, nous avons commencé de parler de cela. Na, on a essayé d'introduire avec Exode 25, 8-9 et Apocalypse 21, 1 à 3, 1 à 9 et 1 Corinthiens 3, 11, 16 pour voir que les sanctuaires, c'est un local, un lieu, un édifice spécialement consacré à la divinité et pour nous, consacré à Yahweh. Na tuliweza kuona ya kwamba hekalu ni ile nafasi ambayo imejengwa, imetengenezwa kwa ajili ya Mungu. Maintenant, sasa, le premier sens ou la première facette du sens de la maison étant le sanctuaire, maana ya kwanza nyumba ikiwa ni hekalu, nous voulons poser la question, quels sont les objectifs pour lesquels Dieu, tu veux qu'il y ait un sanctuaire dans lequel tu vas habiter et avec lequel on va habiter ensemble avec toi. Pourquoi la maison devrait être un sanctuaire? Une facette de la maison. Premièrement, une maison sanctuaire pour être un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Un lieu de rencontre. Un lieu de contact. Un lieu de connexion. Entre le divin et l'humain. Sanctuaire. Vous me ferez un sanctuaire. Exode 25. Vous me ferez un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu de vous. Tu vas habiter au milieu de nous pour faire quoi? Pour que dans ce sanctuaire, nous puissions commencer à nous rencontrer. Bwana sifiwe. Amina. Un lieu de rencontre. Et dans Exode 25, 21 à 22, il est écrit. Ndani ya kitabu cha Kutoka, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. 25 wanaandika kwamba, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Ni kifuniko ya sanduku la agano. Ça s'appelle propitiatoire. Inaitwa. C'est-à-dire le lieu où Dieu est rendu propice. Nafasi ambao Mungu anakuwa mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Là où Dieu est rendu propice. Mahali ambapo Mungu anakuwa mzuri. Propitiatoire. Et il dit, na nasema, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et le verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là au-dessus du propitiatoire. C'est-à-dire, quand Dieu descendait dans le lieu très saint, Moïse, Moussa, Aaron, Haruni, ou les autres souverains sacrificateurs qui sont suivis, avaient leur attention ici. C'était le point de contact entre Dieu et l'homme. Et celui qui venait dans le lieu très saint était un représentant de tous les peuples. Il venait pour représenter tous les peuples. Donc quand Dieu rencontrait Moïse ou Aaron à ces lieux, par Moïse, il rencontrait tous les peuples. S'il avait des choses à dire au peuple, par Moïse, ces choses étaient dites et arrivées. Quel privilège que le Dieu créateur propose à l'homme un lieu de rencontre. Qu'il dise, à tel endroit on va commencer à se rencontrer. Vous savez, Dieu est omniprésent. Est-ce que ça passe? Je vois beaucoup de gens qui somnolent. Ça va? Est-ce que ça va? Je peux vous voir? Vous êtes là? Le propitiatoire. Vibao. Seigneur. Buana. Je veux avoir du zèle. Nahitaji niwe na bidii. Pour le sanctuaire. Kwa ajili ya hekalu. Parce que. Sababu. L'un de tes objectifs. D'établir le sanctuaire, c'est que là au sanctuaire, nous puissions nous rencontrer. C'est là que l'on rencontre Dieu. Que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est laquelle on est heureux. Regardez. Tazama. Rencontrer, c'est une chose. Kukutana ni kitu kimoja. Mais rencontrer Dieu, lakini kukutana c'est na différent. Ni tofauti. Quand Dieu peut te visiter, quand Dieu peut venir en contact avec toi, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas quelque chose qui peut s'égaler à ça. Que Dieu vienne et qu'il te rencontre. Que Dieu vienne et qu'il te visite. Que Dieu vienne et décide et te dise, va tel endroit, on va se voir là-bas. Moïse, Moussa, reçoit ce privilège, on pourrait l'appeler les dieux du sanctuaire. Je vais dire plutôt l'homme du sanctuaire, Moïse. Un jour, il est allé à la montagne sur invitation de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, Moïse, viens à la montagne pour 40 jours. Il allait amener quelques provisions. Kumwambia uende kwa mlima kufanya siku makumi inangeleta. Alléluia. Amina. Viens à la montagne. Kuja kwa mlima. Prépare le peuple. Na wendo katayarishe. Qu'il se sanctifie pendant trois jours. Wajitakase muda wa siku tatu. Même les animaux. Na hata wanyama. Qu'ils ne viennent pas brouter à la montagne. Wasikuje kula majani karibu na mlima. Et Moïse monte. Na Musa anapanda. Et il reste là-bas. Je ne sais pas s'il broutait les herbes. Mais il est resté sans manger. Sans boire. En rencontre avec Dieu. Tu fais 40 jours. Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu avec qui tu es en train de passer le temps s'appelle la vie. Le besoin de manger. C'est le besoin d'apporter quelque chose qui renforce la vie. Maintenant, je suis en contact avec celui qu'on appelle la vie. Yahweh. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je peux rester pendant 40 jours. Et ça passe. Et quand Moïse redescend, le peuple a difficile à le regarder. Son visage brille. La gloire de Dieu. La gloire du Dieu qui est en contact avec Moïse se transphase sur Moïse. Et on dit à Moïse, couvre-toi. Tu es en train de nous abîmer les yeux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mes frères, que le zèle de sa maison t'amène à rechercher des rencontres avec Dieu. Nous sommes en train de vivre quel genre de christianisme? Pour que les gens aillent à l'église, il faut les sensibiliser. On les sensibilise. Connais-tu la valeur de rencontre avec Dieu? Les hommes cherchent des rencontres avec des grands. Ne veux-tu pas une rencontre avec le suprême grand? Il a bâti le sanctuaire pour que ce soit un lieu de rencontre avec lui. C'est pour cela que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Je vais aller rencontrer Dieu. Et quand je rencontre Dieu, je ne sortirai pas comme je suis entré. Et je t'annonce que dans ce séminaire, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Parce que Dieu est venu à notre rencontre dans ce sanctuaire. Alléluia. Amen. Dieu est au rendez-vous. Il pouvait crier, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Peux-tu rencontrer Dieu et rentrer bredouille? Et où alors? Où rencontrer Dieu? Au sanctuaire. Je prie que les archois se réveillent et comprennent la valeur du sanctuaire. S'il vous plaît, les lieux où vous êtes assis n'est pas un simple lieu. Hein? Ça s'appelle sanctuaire, lieu de rencontre avec le divin, lieu de contact avec le divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons au sanctuaire, nous nous préparons. Quand nous allons au sanctuaire, nous avons soif. Le zèle qui est dans notre cœur pour la maison de Dieu nous pousse au sanctuaire. au sanctuaire. Hekaluni. Je veux y rester. Je veux y demeurer. Je veux y rester. Je veux y demeurer. Amène-moi loin auprès de toi, car en ta présence je trouve la solution. Oh, amène-moi loin auprès de toi, car en ta présence, je trouve la solution. Quand vous allez dans Exode chapitre 3, Dieu vient rencontrer Moïse au buisson ardent. On pourrait dire que c'est la première expérience de Moïse à rencontrer le divin. Il a été enseigné par sa mère au sujet de ce divin, le Dieu d'Israël. Il connaît Dieu, mais il n'a pas encore fait une expérience. Et subitement, il est en train de garder le troupeau de son beau-père, Jethro. Subitement, il voit un buisson en train de brûler. Mais ça ne se consume pas. Il s'est dit, mais c'est quoi cette affaire? Et puis il s'approche. Quand il veut s'approcher, il attend une voix dans le buisson qui dit, n'approche pas. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Mes chèvres, mes moutons marchent partout là, moi-même, là. Ça devient saint comment? Ça devient saint parce que le divin vient de descendre à cet endroit. La présence du divin vient de convertir cet endroit à la buisson en un lieu sacré. Et les discussions commencent. Vous pourrez lire tous les chapitres. Et Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Verset 6. Mimi ni Mungu wa baba yako. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Na Musa akajificha uso. Pourquoi tu caches le visage, Moïse? Je n'ai jamais vu de telles choses. Je n'ai jamais rencontré Farafara, Dieu. Je suis fauché. Je vais mourir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Je suis dans une rencontre. Et puis Dieu l'encourage. Dieu commence à lui parler. Il dit, je veux t'envoyer. J'ai entendu les souffrances d'Israël. Je suis descendu pour les sauver. Ok. Et Moïse se rappelle et il déroule toute son histoire. Il se raconte que j'avais voulu faire cette mission un jour, il y a 40 ans maintenant. Na Musa anaanza kumbuka na sema nilitafuta fanya kazi hii kuna miaka 40 imepita. J'ai même tué quelqu'un. Niliua hata mtu. J'ai même failli être arrêté. Nilitafuta hata kufungwa. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Na ndio sababu niko hapa. J'avais fui. Nilikimbia. Mais apparemment c'est Dieu qui parle. Lakini inawezekana ni Mungu ndiye anayesema. Pharaon, j'ai vécu chez lui. Pharaon, nimeishi kwake. Pendant 40 ans presque, muda wa miaka makumi je connais la maison du Pharaon. Najua nyumba ya Farao. Je connais la puissance du Pharaon. Najua uwezo wa Farao. Je connais l'armée du Pharaon. Najua jeshi ya Farao. Maintenant Dieu, sasa Mungu, mais on peut revoir les calculs. Tunaweza kuhesabu tena upya. Comment moi, namna gani mimi, un homme, mwanadamu, j'ai pas de troupes, sina majeshi, je passe la journée avec les chèvres ici. Comment vais-je aller affronter l'armée d'une nation pour arracher ses esclaves? Où se dit à Dieu, pardon, samahani, envoie quelqu'un d'autre. Dieu insiste. Mungu anatilia mkazo. Moïse dit, d'ailleurs, je suis bègue, je ne sais pas bien parler. Dieu se fâche. Et Moïse dit, ok, d'accord. Et Moïse part. Il parle avec les anciens. Et les anciens lui disent, tu nous cherches des problèmes, Moïse. Il dit, c'est vrai. Le Dieu qui m'envoie m'a dit Mungu que c'est lui le Dieu de vos pères. Ya kwamba yeye ndiye Mungu wa baba zenu. D'ailleurs, voici les signes qu'il m'a démontré. Tazama alama ambazo. Et la Bible dit, na Biblia nasema, Aaron démontra les signes que Dieu avait montré à Moïse. Haruni akaonyesha alama ambazo Mungu alimuonyesha Musa. Écoute moi frère sœur. Nisikilize ndugu na dada. Tu n'auras pas quelque chose à démontrer quelque part si tu n'as pas eu une rencontre avec Dieu. Je te conseille de chercher avec zèle l'Éternel, d'aller au sanctuaire. Tu vas avoir une rencontre. Tu vas avoir une visitation. Et tu vas connaître Dieu plus que tu le connais maintenant. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous sommes souvent faibles dans la foi. Parce qu'on n'a pas eu de rencontre particulière avec Dieu. Quelquefois l'ennemi nous intimide. Parce que la connaissance que nous avons de Dieu se limite juste à une connaissance de la foi. Je connais Dieu, je crois, c'est bon. C'est pas mal. Mais c'est mieux de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il te visite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette semaine, Dieu peut te visiter. Et je prie qu'il te visite. Alléluia. Amen. Quand Dieu visite Moïse, Mungu anapomtembelea Musa, tout le processus de la délivrance des Juifs en Égypte est déclenché. Pouvez-vous compter tous les miracles et toutes ces expériences incroyables, expériences inimaginables que le peuple d'Israël a connues, que Moïse a connues? C'est parti d'une rencontre. De sorte que, un peu plus tard, Bwana sifiwe. Amina. Dites un peu plus tard. Sema mbali kidogo. Dieu, Mungu, qui rencontrait Moïse par-ci, par-là, dans les buissons, dans une montagne, dit à Moïse, je trouve naona qu'il faut carrément fabriquer un sanctuaire pour moi. Ya kwamba inaomba sasa kunitengenezea hekalu. Au lieu qu'on puisse rencontrer pêle-mêle par-ci, par-là, bali tukuone kutana kule na kule. Construisez-moi carrément une maison. Je vais habiter dedans. Mara moja ekalu, nyumba ambayo nitaishi ndani. Au milieu de vous. Katikati yenu. Wow. Seigneur. Bwana. Viens habiter à Goma. Kuja ishi Goma. Comment vous trouvez? Unaona namna gani? Viens à Goma. Kuja hapa Goma. Construisez-moi un sanctuaire. Je vais habiter dedans. Et je serai au milieu de vous. Et puis nous avons construit ça. N'est-ce pas? Combien ont déjà été bénis ici? Combien ont déjà rencontré Dieu ici? Parce que Dieu, quand il veut faire des choses intenses, il crée un lieu de rencontre afin qu'on puisse commencer à se rencontrer à cet endroit-là. Je sais qu'aujourd'hui, autant de théologiens enseignent que Dieu, il est omniprésent et c'est vrai, c'est biblique. Nous pouvons parler avec Dieu partout, c'est vrai. Moïse aussi parlait avec Dieu partout, c'était vrai. Mais finalement, Dieu a dit à Moïse, construis-moi un sanctuaire. Et la guerre qui se passe aujourd'hui entre Israël et les peuples qui sont autour a comme soubassement ou source, origine, la question de ces sanctuaires-là. Il y a eu autant de guerres qui ont ravagé les temples, qui ont ravagé les sanctuaires. Au point qu'aujourd'hui, c'est une mosquée à la place du temple. Mosquée. Les ailes de ta maison me dévorent. Ce temple dans lequel Jésus a chassé les vendeurs de pigeons. Aujourd'hui mosquée. Il est resté un mur. Kumebaki ukuta. Les gens viennent se lamenter. Na watu wanakuja omboleza. Les gens viennent prier, pleurer watu wanakuja kuomba, à cet endroit-là. Mahali hapo. Ils se souviennent wanakumbuka que c'était ici ilikuwa hapa, le sanctuaire. Ekalu. C'était là. Ilikuwa pale. Le sanctuaire. Ekalu. Je vous ai dit le dimanche, Dieu, sachant que dans la région, il a existé des sanctuaires de tous les autres peuples qui faisaient aussi des sanctuaires pour leur Dieu, il a voulu que ce sanctuaire soit spécial, de telle sorte qu'il a fait construire avec de l'or, avec toutes ces choses précieuses, parce que les autres, ce n'était pas ça. Mungu akiwa anajua kwamba mahali hapo ndani ya eneo kulikuwa hekalu zingine zilizojengwa akatamani kwamba hekalu lake lijengwe kitofauti. Mais c'est pas le matériel avec que c'était construit qui faisait la différence. Lakini haiko ile vyombo vilivyoitengeneza ndio vilivyofanya utofauti. C'est le Dieu lui-même. Lakini ni Mungu yeye mwenyewe. Ce sanctuaire là. On l'appelle Dieu de l'alliance. Ambao wanamuita Mungu wa agano. On l'appelle wanamuita le Dieu Mungu de l'Alliance. Wagan. Dieu de l'Alliance. Mungu wagan. Nous sommes dans ton sanctuaire. Tuko ndani ya hekalu lako. Seigneur, ce soir, active ton alliance. Bwana jioni ya leo, avec nous. Kasisimue tena agano lako. Active ton alliance, Seigneur. Wendo kasisimue tena agano lako, Bwana. Avec nous. Pamoja nasi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Moïse, un homme de rencontre Musa, avec Dieu. Anakutana na Mungu. Et toute l'histoire na historia yote, miraculeuse d'Israël, ambao ni ya kiajabu ya kimuujiza Israeli, sous le leadership de Moïse, kwenye uongozi wa Musa, est parti d'une rencontre. Ilianzia kwenye mkutano. les serviteurs de Moïse, watumishi wa Musa, Josué, mtumishi wa Musa, Joshua, a commencé à s'exercer aux rencontres. Alianza kujizoelesha kwa mikutano. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Il est écrit dans Exode 33, verset 11. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Bwana aliongea na Musa uso kwa uso. Frère. Ndugu. Lorsque tu as commencé des rencontres avec Dieu. Wakati umeanza kutana na Mungu. Il va commencer à s'approcher de toi de telle sorte que, vous savez, certaines personnes sur cette terre sont déjà délivrés de la terre. Grâce aux rencontres qu'ils ont avec Dieu. Quand tu rencontres Dieu, frère, tu as envie de rester. Vous avez déjà entendu ce genre de témoignages. J'ai été transporté, j'ai vu Dieu. Le résultat n'a pas toujours été. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi partir. Je vais rentrer. C'est toujours, Seigneur, je reste ici. Je rentre plus là-bas. Il dit, non, tu dois rentrer encore une mission là en bas. Tellement c'est agréable de rencontrer Dieu. Quel bonheur. Quel bonheur que de rencontrer Yahweh, que de rencontrer l'Éternel. Que de choses que nous ratons lorsque nous ratons des rencontres avec Dieu. Et comment aurions-nous des rencontres? Parce qu'il n'y a pas de zèle pour la maison de Dieu dans notre cœur. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les zélés qui s'en emparent. Mais dans ce texte d'Exode 33, regardez la suite. Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Wow. Écoutez mes frères, Dieu peut se rendre si réel pour toi. Osez aller et marcher avec les ailes de la maison. Dieu peut devenir si réel pour toi. Tu peux dépasser le niveau de la simple foi. Tu peux dépasser le niveau de la simple information sur Dieu. Tu connais Dieu? Oui. Et puis tu cites des versets, Tu peux dépasser ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes encore là? Je vous dis ceci. Nous pouvons dépasser le niveau de la connaissance ordinaire de Dieu et aller au niveau de la connaissance personnelle et particulière de Dieu. Et Dieu n'est pas fatigué d'offrir ça aux hommes. Dieu ne dira pas à l'arche, j'ai déjà visiter 3-4 personnes natosha wende ou profiter kuyabale na Mungu atasema kwamba nimeshatembelea watu fulani ndani ya kanisa hii wende ukafaidie kwa wale. Dieu a envie d'avoir une intimité avec tout le monde. Mungu anahitaji awe na urafiki wa ndani. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as bien fait. Umempatia Yesu maisha yako, umefanya vizuri. Maintenant cherche-le. Sasa umtafute. Laisse ton cœur être embrasé. Que ton cœur brûle. Que nos cœurs brûlent, frères et sœurs. C'est possible d'aller loin avec Dieu. Regardez. Il est écrit. Il parlait comme à son ami. Puis, Moïse retournait au camp Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Conséquence, qui va succéder à Moïse? Voulez-vous que Dieu aille chercher ailleurs? Il a souvent vu un jeune homme là dans les parages autour de Moïse. Et c'est bien. Ok, Moïse, tu vas mourir. Je te remplace par qui? Il y a quelqu'un que je vois tout le temps. On s'est déjà vu plusieurs fois. Oh, je prends celui-là. Tu veux servir Dieu? Mon frère, cherche les rencontres avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Dieu aime agir et faire et s'engager avec les personnes benyana shinda kanabo. Mungu anapenda ajitolee na atumike pamoja na watu ambao anakuwa anashinda pamoja nao. Amesema Kiswahili ya bien. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans notre culture, il est écrit, ndani ya mila yetu imeandikwa, l'enfant humble mange avec son père. Ya kwamba mtoto mnyenyekevu anakula na baba yake. C'est pas cet enfant-là qui passe ses journées là dans au foot là-bas quelque part là et il apparaît le soir pour manger. C'est un enfant qui passe du temps avec son père. Il passe du temps avec son père. Archois et archoise, passons du temps avec notre père. Il va commencer à nous offrir des rencontres. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors je te connaîtrai. Ah bon, tu ne me connais pas, Moïse? Mais depuis les buissons ardents, depuis on est sorti de l'Égypte, on a fait des miracles avec toi. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, je veux te connaître, Seigneur. Frère, sœur, si tu es satisfait de ta spiritualité, c'est que cette spiritualité est en train de mourir. Moïse, Moussa, qui a vu Dieu plus que quelqu'un d'autre? Dieu lui-même témoigne. Il dit à Moïse, il dit aux prophètes, je leur parle dans les songes et autre chose. Mais à Moïse, je parle face à face. Mais tu parles face à face. Et puis Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors je te connaîtrai. Donc ce n'est pas déjà suffisant. Hein? Il faut que je te connaisse. Je dois te connaître, Seigneur. Toi, tu es déjà satisfait de ta connaissance avec moi. Peut-être les choristes. Moi, je suis satisfait. Vous êtes satisfait. Seigneur, aide-nous. Vous savez, je sens ce que Dieu ressent. Dieu est fatigué de notre genre de christianisme actuel. Dieu est fatigué de ça. Mungu amechoka nayo. Dieu a besoin de nous. Mungu anatuhitaji. Allons vers lui. Twende kwake. Nous avons lu. Courons. Tumesoma tukimbie. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire dans l'opportunité qui nous est ouverte. Comme Dieu a ouvert cette opportunité à ceux qui lui ont précédé. Les Moïse et les Abraham et les autres. Cette carrière nous est ouverte. Nous aussi, nous pouvons vivre ce que ceux-là ont vécu. Il est écrit, du fait qu'on est entouré d'un si grand nombre de témoins, il y a des témoins qui ont vécu Dieu. Notre monde ne sera pas touché. Je vais dire ça mieux. Notre monde sera touché proportionnellement à la touche que Dieu nous touche. kwa ile kuguswa ambayo Mungu anatugusa. Notre monde sera visité ulimwengu wetu utatembelewa à la hauteur kwa kiwango des visites que nous recevons de Dieu. Ya kutembelewa tunayopokea toka kwa Mungu. J'imagine Moïse. Naona Musa. Qui descend la montagne. Anashuka kutoka mlima. Et qui brille. Na mbana kwa de la gloire de Dieu. Na utukufu wa Mungu. Même les païens. Na hata wapagani. Devraient se rendre compte. Wangepasa kugundua. Que le Dieu de ces gens ici. Ya kwamba Mungu wa watu hao. Hapana. Ça c'est quelque chose. Hii ni kitu kabisa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il était avec Dieu. Quel Dieu? Yahweh. Alikuwa pamoja na Mungu na Yahweh. C'est pour ça que mais j'arrive pas à le voir. Dis oui. Ça c'est la gloire de celui qui vient de la présence du Dieu de gloire. Regardez mes frères, lorsque tu rencontres Dieu et que Dieu transphase de ses vertus en toi, que Dieu communique en toi quelque chose de lui-même. Mais qu'est-ce qu'on cherche encore sur la terre? On veut être des chrétiens de forme. Nous pouvons être des chrétiens vrais, réels. Des chrétiens de vie. C'est pourquoi Pierre dit, comme des pierres vivantes, pour former une maison spirituelle. Combien je rêve que l'arche devienne une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Nyumba ya kiroho. Et quand la trompette va sonner. Wakati baragumu italia. Ah, tunaenda sie wote. On part tous. Tunaenda sie wote. On part tous. Pourquoi? Sababu gani? Nous sommes une maison spirituelle. Sababu sisi ni nyumba ya kiroho. Une maison spirituelle. Nyumba ya kiroho. Constituée par des pierres vivantes. Ambayo inachengwa na mawe yaliyo hai. Autour de la pierre vivante. Inayozunguka jiwe lililo hai. Qui veut s'engager ce soir et dire, je pense que moi je Seigneur, donne-moi ces ailes-là. Nani ambaye anahitaji kitu? Qui voudrait ce soir dire, Seigneur, je pense que j'ai besoin de ça. On va prier pour cela tout à l'heure. Alléluia. Amen. Josué était choisi parce qu'il a fait l'habitude des rencontres. Dieu peut te confier une lourde mission, une grande mission, une mission de gloire. Parce que tu as passé du temps avec lui. Parce que tu bénéficies des rencontres avec lui. Parce que tu es devenu son intime. Parce que vous passez du temps ensemble. Si tu es un absent du sanctuaire. C'est au zèle pour la maison qui va te créer des opportunités, des rencontres avec Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le deuxième but du sanctuaire? Être une maison de solutions. Un peu comme Dieu se disait, bâtissez-moi un sanctuaire, je vais habiter là-dedans, et ça sera votre maison de solution. Tu peux acclamer Dieu pour le sanctuaire, la maison de solution. Alléluia. Amen. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 31 à 46. C'est l'histoire de la dédicace du temple au temps de Salomon. Vous pouvez constater là-dedans 7 groupes de problèmes auxquels Salomon prie Dieu que ces problèmes aient une solution. Au sanctuaire. Unaweza kutazama kundi saba ya shida ambayo Salomon anaombea kwamba ili hekalu iwe suluhisho kwa chini. Au verset 31, kwa shahili la makuta, il mentionne les besoins de justice et d'équité dans un conflit entre les hommes. Anaonyesha itaji ya haki. Et beaucoup d'entre nous, vous avez besoin de justice. Na wengi kati yetu mnahitaji, vous avez un problème qui demande la justice. Mnakuwa na shida ambayo inaomba haki. La solution c'est dans la maison. Jibu ni ndani ya nyumba. Vous allez lire tous ces détails là à la maison. Mtasoma yote inayokuwa ndani nyumbani. Dans la maison. Deuxième groupe de besoins ou de problèmes. Kundi la pili la itaji ya malashida. C'est la détresse, les malheurs, la misère, etc. Ni uchungu, mateso, ole. Qui provient du fait que Dieu t'a abandonné à cause du péché. Ambayo inatokea kwa sababu Mungu amekuachilia sababu ya dhambi. La solution est dans le sanctuaire. Jibu iko ndani hekalu. Dans la maison. Ndani ya nyumba. De Dieu. Ya Mungu. Troisième groupe de problèmes, ce sont les problèmes de blocage, de stagnation, de manque de progrès, de ciel fermé. Solution au sanctuaire. Quatrième problème, c'est le problème de famine, de peste, de rouille, de niel. De destruction kubomoka dans le pays, ndani ya nchi, des problèmes nationaux, inakuwa ni mashida ya taifa. Je crois que nous attaque congolais on en a nikiwaza sisi wa kongomani tuna matatizo kama na solution chibu ni wapi au sanctuaire hekaluni. Quatrièmement, cinquièmement, ya tano, le problème de l'étranger ni qui désire aussi avoir un petit espace dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Solution Chibuni. Au sanctuaire. Hekaluni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixièmement, Yasita, le problème de guerre ouverte ni matatizo ya contre vita, tes ennemis. Ambavyo vinakuwa mbele ya madui. Solution jibu au sanctuaire. Ni hekaluni. Septième goût de problème, na kundi la saba la matatizo. Le peuple a péché contre Dieu. Watu wamemkosea Mungu. Et le peuple est puni na wanakuwa wanaapizwa kabisa. Par la déportation, par les malheurs graves. Wanapigwa kupitia kupelekwa ugenini. Solution na mateso kabisa ya hatari. À la maison de Dieu. Jibu ni nyumbani. Bref, le roi Salomon, kwa kifupi mfalme Salomono, il est conduit par le Saint-Esprit lorsqu'il exprime ses demandes à dédier la maison à Dieu. Anaongozwa na Mungu anapofanya. Et il dit quand ceci arrivera, si quelqu'un vient à la maison de Dieu pour te demander la solution, Yahweh exauce-le s'il te plaît. Même quand quelqu'un sera loin, s'il prie à tourner le visage vers la maison à Jérusalem, exauce le Seigneur. Et ce que j'aime, c'est ce qui s'ensuit. Vous pourrez lire à la maison à partir du verset 52 jusqu'à à 61. Unaweza kusoma nyumbani kuanzia shairi la 52 hadi 60. Au verset 56 il est écrit. Kwa shairi la 52 Salomon dit. Salomon anasema. Béni soit l'Éternel. Abarikiwe Mungu. Qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Ambaye amepatia watu wake pumziko. Selon toutes ses promesses. Kufuatana na ahadi zake zote. Et de toutes les bonnes paroles. Na kwa maneno yote mema. Qu'il avait prononcé par Moïse son serviteur. Aliyotamka kupitia Musa mtumishi wake. Aucune n'est resté sans effet. Lève-nous, on va prier. De toutes les paroles, aucune n'est resté sans effet. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous venons de parler de deux objectifs du sanctuaire. Demain, on va aborder deux autres objectifs du sanctuaire. Dieu, tu crées le sanctuaire pour que ce soit un lieu de rencontre avec toi. Tu crées le sanctuaire pour que ce soit un lieu de solution. Maintenant, ce soir, tu cherches une solution pour un problème dans ta vie. Et ton problème est probablement classé parmi ces sept lots de problèmes. Salomon dit, si quelqu'un vient t'évoquer ici au temple, exauce-le des cieux. Et moi je dis à Dieu pour toi ce soir, cet homme, cette femme est venu t'invoquer ce soir au temple. Oh Dieu, exauce-le ce soir, exauce-le. Maintenant exprime ta demande, exprime ça, exprime ta demande, exprime ta demande. Tu as besoin des enfants, tu t'es marié il y a quelques années, il n'y a pas encore d'enfant, ça ne vient pas, il y a des obstacles. Oh Dieu, exauce-la ce soir. Tu es dans un conflit avec quelqu'un, vous vous déchirez l'un l'autre, tu es au